Francisco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Bienvenue à ce journal. Nous sommes le 20 mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. La directrice générale de la planification au sein du ministère de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes demande aux responsables de sociétés de gardiennage de ne plus employer des personnes âgées visiblement incapables d'assurer la sécurité. Lors d'une réunion avec ses responsables, elle a rappelé qu'il est interdit aux anciens agents des forces de l'ordre en pension de porter des effets militaires ou policiers. Et dans la série de reportages sur les projets de société des partis politiques, aujourd'hui nous vous faisons écouter celui du parti UPD Zigamiwanga qui dit mettre en avant la justice sociale. Et la plateforme burundaise de blogueurs Yaga reçoit le deuxième prix francophone 2019 de l'innovation dans les médias décerné chaque année par l'Organisation internationale de la francophonie Reporters sans frontières et Radio France Internationale. Et dans la chronique éducation, nous aurons des éclairages sur l'enseignement des langues aux enfants. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Il n'est pas permis aux agents de la sécurité de la défense nationale en pension et qui travaillent actuellement dans les sociétés de gardiennage de porter des effets militaires aux policiers. Et cela a été dit ce mercredi par la directrice générale de la planification au sein du ministère de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes. Et c'était lors d'une réunion avec les responsables de ces sociétés. Menedor Nirameba appelle les forces de l'ordre à continuer l'opération d'enlèvement des effets militaires pour ceux qui les portent toujours. Elle a également demandé à ses responsables de sociétés de gardiennage de ne plus donner l'emploi à des personnes très âgées, visiblement incapables d'assurer dignement la sécurité. Et certains habitants de la commune et province Rumonge se lamentent que leurs élus communaux ne plaident pas en leur faveur auprès de la CNTB, la Commission nationale des terres et autres biens, afin que cette commission traite définitivement leur cas. Et pourtant, ce conseil avait promis de les écouter lors de sa récente session sans tenir promesse. Au niveau du conseil communal de Rumonge, l'on explique que c'est le temps qui a fait défaut. Le porte-parole de la CNTB dit que cette commission va bientôt faire le terrain pour vider ses litiges. Jean-Pierre Misago. Certains parmi ceux-là qui se lamentent, dominés par les rapatriés, disent qu'ils ont depuis des années des décisions de la Commission nationale terre et autres biens qui n'ont jamais été exécutées. D'autres disent que leurs litiges viennent de passer une longue période à la commission de recours sans être traités. Et d'autres encore, des décisions ont été exécutées mais n'ont pas été respectées. Pour eux, les élus communaux de Rumonge devraient plaider en leur faveur auprès de la CNTB, comme il l'avait d'ailleurs promis. Mais ces personnes qui se disent lésées regrettent que le conseil communal de Rumonge, réuni dernièrement à deux reprises, ne les a pas écoutés, alors que c'est ce même conseil qui les avait invités pour présenter publiquement leurs doléances. Augustin Manirakiza, président du conseil communal de Rumonge, dit que leur problème n'a pas été ignoré puisqu'il figurait sur l'ordre du jour. Notre rôle est de les tranquilliser effectivement et de les écouter. C'est ce que nous avions fait parce que leurs revendications étaient déjà sur l'ordre du jour. Selon lui, ces gens n'ont pas à se lamenter, mais qu'ils soumettent leurs questions par écrit pour vérification avant de saisir la CNTB. On a recommandé néanmoins que cette question soit soumise de manière écrite et que la commission juridique puisse faire des vérifications effectivement et analyser si leurs doléances où leurs dires sont effectivement fondés et par la suite on va procéder à saisir officiellement la CNTB en la matière. Selon le porte-parole de la CNTB, cette commission sera dans sa totalité dans les provinces de Rumonge et Makamba toute la semaine prochaine pour tenter de vider ces questions. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et l'ambulance est un véhicule dont la réparation et l'approvisionnement en carburant revêtent un caractère exceptionnel vu sa mission d'évacuation des malades en cas d'urgence. Ces propos sont du porte-parole du cadre d'expression des malades Semabou après que le ministère de la Santé ait suspendu temporairement la mesure du chef de district sanitaire de Manda de collecter une somme de 2000 francs burundais par ménage et par an en vue d'assurer le fonctionnement de l'ambulance. Sylvain Habanawakize demande que les frais de fonctionnement de ces véhicules soient pris en charge par le ministère de la Santé. Je vous propose de l'écouter. ça a été une mesure de suspension temporelle ou partielle. C'est-à-dire que demain ou après-demain, la collecte de cet argent va revenir à la population de Boubanza. Nous avons été satisfaits, mais nous avons des inquiétudes que demain ou après-demain, les mesures seront toujours mises en application. C'est-à-dire que la population burundaise, et surtout celle de Boubanza, sera affectée dans la vie socio-économique. Il n'y a pas d'argent qui est destiné, que ce soit à la réparation, que ce soit à l'approvisionnement en carburant de ces véhicules. Est-ce que ces véhicules ont-ils un caractère particulier qui ferait que ce soit une préoccupation du gouvernement? Et au niveau de Semabou, nous voyons que ces véhicules ont un caractère particulier. Vous savez vous-même que la mission des ambulances servait à transférer d'une façon très urgente le malade, le patient, qui son pronostic est sombre. C'est pour cette raison que le Semabou demande au ministère, ayant la santé de la population dans ses attributions, de prendre cette question en main. Nous demandons encore une fois le gouvernement de voir comment allouer les fonds destinés à réhabiliter et à alimenter en carburant ce véhicule. C'était Sylvain Habanabakiza du cadre d'expression des malades Semabou. Il était au micro de Charles Makoto. Et dans la série des projets de société des partis politiques, aujourd'hui nous vous proposons l'Union pour la paix et le développement UPD Zigamibanga. Ce parti met en avant la justice sociale, selon Abdul Kassim, président de ce parti, qui dit aussi que son parti axe sa politique sur la consolidation de la paix pour éradiquer les crises cycliques au Burundi. Il ajoute que son parti prône le respect des droits de l'homme. Suivez Abdul Kassim, il est le président du parti UPD Zigamibanga. Notre projet société, c'est d'abord comprendre sa part de l'appellation du parti, c'est l'union pour la paix et le développement. Lorsque les gens sont unis, ils peuvent cheminer ensemble. Nous voulons la paix, une paix durable. Une paix qui n'est pas ponctuée par des crises cycliques comme on en a connu, avec une paix durable, d'arriver alors à un développement durable. Alors maintenant, quels sont les secteurs clés de notre action politique? D'abord, dans le domaine politique, pour que les Burundais soient unis, il faut que les droits de l'homme soient respectés. Il faut que les Burundais sachent que la vie des gens est sacrée. Et c'est pour cette raison-là que nous voulons qu'on puisse réinstaurer la peine de mort dans certains cas, notamment pour des crimes abominables. Il ne faut pas que les gens commettent des crimes et pensent qu'ils peuvent seulement passer la perpétuité. Il faut que les gens soient punis exemplairement. Dans le cadre des droits de l'homme, nous insistons sur une justice sociale. Parce que dans la société, dans la vie de tous les jours, il y a de l'injustice. Les gens ne peuvent pas vaquer à leurs activités. Les gens ne peuvent pas penser au développement. Nous devons alors éradiquer l'injustice sociale. Dans le domaine économique, nous pensons qu'il y a des défis qu'on peut relever et sans exiger beaucoup un grand budget. La lutte contre la pauvreté qui va avec la sécurité alimentaire. On ne peut pas avoir une population affamée et lui demander de produire. Or, le territoire burundais, nous avons un sol fertile, nous avons un climat favorable. Donc, on peut cultiver tout le territoire du Burundi et produire suffisamment à manger et avoir même un excédent qu'on peut même exporter. Ainsi donc, dans notre vision, le Burundais doit arriver à manger au moins 3 fois par jour. Deuxième chose, dans le domaine économique, si nous avons une jeunesse, nous avons une population burundaise qui est majoritairement jeune. Si nous avons des jeunes qui terminent leurs études, que ce soit fondamentale, que ce soit post-fondamentale, que ce soit l'université, mais qui ne voient pas le bout du tunnel, qui sont condamnés au chômage, là aussi on ne peut pas prétendre au développement. Et on doit trouver des mesures faciles où tous ces jeunes-là puissent trouver un emploi. Comment? Il suffit de prélever une petite somme pour les fonctionnaires, que ce soit dans l'État ou du privé. Au niveau social, il faut avoir une bonne santé. Il faut que nos hôpitaux, nos centres de santé soient équipés en médicaments et en matériel. Il est ridicule que dans un pays, des gens meurent parce qu'on a manqué du médicament, parce qu'il n'y a pas un matériel pour faire les examens. Et cela aussi peut être résolu facilement. Enfin, c'est l'éducation. L'éducation, tous les pays qui ont pu se développer, c'est parce qu'ils ont d'abord développé le secteur de l'éducation. Et là aussi, une éducation de qualité où nous allons produire un personnel lorsque, à la sortie, on aura une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi dévouée. Enfin, maintenant, notre pays doit construire une démocratie telle que les Burundais le conçoivent. Abdoul Kassim, président du parti UPD Zigamibanga. Et deux membres du parti Sawanya Frodebou ont été appréhendés par la police dans l'après-midi de ce mardi dans la zone Guitaba de la commune et province Makamba. Leur porte-parole de ce parti dit qu'il s'agit de l'intolérance politique au moment où ce parti avait organisé beaucoup de réunions dans cette province ces derniers jours. Fenia Senigaba demande que ces deux militants soient relâchés. Suivez-le. À Makamba, dans la zone de Guitaba, il y a eu des arrestations. Je citerai ici notre militant policier Julia sur la colline Chunamwe, zone Guitaba, qui a été arrêté hier, mardi 19 mars. Il y a un autre militant Buregeya Omar, colline Mahembe, qui a été emprisonné hier dans le cachot de la zone Guitaba. Il a passé la nuit là-bas. Maintenant, il vient de se transférer à la commune Makamba. Il y a un autre vice-président des jeunes dans la commune de Makamba. On était allé le chercher chez lui. Heureusement qu'il n'avait pas passé la nuit chez lui. Le parti Sawanya Frodebou avait organisé une réunion, mais les militants ont vu une personne qui était venue, qui n'était pas invitée, qui a commencé à prendre les noms, à écrire les noms des participants. Alors, les militants ont voulu savoir pourquoi cette personne s'est donné ce droit d'écrire les noms des participants dans une réunion qui était connue par l'administration. Celui-là, il a directement pris fuite, mais il a laissé sa carte nationale d'identité qui est tombée par terre et les militants l'ont prise. Ils avaient la mission de remettre cette carte nationale d'identité à l'administration. Au lieu de punir cette personne-là qui était venue perturber la réunion, maintenant ça change, c'est maintenant c'est lui qui a été dérangé, qui a été harcelé, qui vient d'être convoqué, qui vient d'être emprisonné arbitrairement. Et le chef de zone Guitaba dit plutôt qu'il s'agit de jeunes du parti Sawanya Frodebou qui ont provoqué certains membres du parti CNDD-FDD ce dimanche lorsque le parti Frodebou avait organisé une réunion. Cette autorité indique que les jeunes du Frodebou ont dépouillé une carte d'identité à un membre du parti CNDD-FDD. Pour le moment, il dit que ceux qui ont été arrêtés l'ont été pour des raisons d'enquête. Et l'association Nawariza, luttant pour les droits des prisonniers, lance un appel vibrant aux prisonniers qui vont bénéficier de la grâce présidentielle de ne pas prendre le chemin vers les centres urbains, mais de rentrer vers leurs collines respectives. Sinon, ils pourraient commettre des infractions qui risqueraient de les conduire de nouveau en prison. Le président de l'association Nawariza l'a dit ce mercredi à Mimba lors d'un atelier de sensibilisation à l'endroit des prisonniers sur le comportement à adopter une fois arrivés dans leurs familles respectives. Suivez Jean-Marie Chimirimana, président de l'association Nawariza, dans la traduction d'Evariste Nzikobanyanga. Chatumye tugira runo rugendo guno munsi no kugira tanguze igikorwa cyo kwigisha aba banyororo bene wacu nyene icubahiro yagiriye ikigongwe kugira tubigishe ukuntu bazifata bashitse hanze. Nous avons organisé cette descente dans l'optique de sensibiliser les prisonniers pour que ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle puissent acquérir des enseignements sur le comportement qu'ils vont adopter une fois sortis de prison. C'est encore pour qu'ils sachent qu'une fois arrivés à l'extérieur de la prison, ils puissent savoir qu'ils devront travailler pour se développer et développer leur pays. Nous leur demandons également de ne pas rester dans les centres urbains, mais plutôt de se diriger vers leurs collines d'origine, car c'est là où se trouvent leurs terres, leurs familles, ce qui pourra leur permettre de ne pas retomber dans des infractions qui les renverraient de nouveau dans des maisons de détention. Cet atelier concerne également ceux qui restent en prison pour qu'en fin de compte, ils puissent bénéficier de la libération conditionnelle sur proposition des directeurs de prison. C'était le président de l'association Nawariza. Et certains élèves du centre de formation professionnelle de Kanyosha se plaignent que ce centre ne livre plus de certificats de formation. Et cela depuis 3 ans. Ces élèves disent qu'ils ne peuvent donc pas accéder au marché du travail. Le directeur technique à ce centre tranquillise que ces certificats seront disponibles d'ici la fin du mois d'avril. Moïse Misago. Ces élèves ont terminé leur formation à ce centre il y a plus de 2 ans. Ils croient qu'ils n'ont pas leur certificat jusqu'à présent. Ils ont adressé leurs doléances à la direction de ce centre sans succès. Par après, ils se sont adressés à la direction communale de l'enseignement de Kanyosha. Cette dernière a exigé la délivrance de leur certificat de formation sans succès. Ces élèves disent qu'ils ne peuvent pas accéder au marché du travail car, disent-ils, ils n'ont pas de documents prouvant leur qualification. À la direction de ce centre, l'on justifie ce retard par la phase d'expérimentation de certaines filières de formation. Bernard Batungwanayo, directeur technique à ce centre, tranquillise que d'ici fin avril, ils auront déjà eu leur certificat. Nous pouvons les rassurer que d'ici avant fin avril, tous les certificats seront disponibles. Mais en attendant, je vous dis que les attestations de réussite tenant lié de les certificats sont toujours ici disponibles. Pour vous dire que ceux qui ont en gros besoin de récupérer le certificat avant fin avril, ils peuvent passer au centre pour récupérer les attestations de réussite. Bon, je peux justifier cela parce que nous sommes dans ce qu'on appelle phase d'expérimentation des programmes qui ont été élaborés par le ministère. Ces programmes, dans certaines filières, il y a une très grande complexité qui montre que dans une année de formation, il y a des programmes qu'on ne peut pas achever compte tenu de leur complexité. Cet établissement compte 8 filières avec plus de 400 élèves. Moïse Misago, et en bref, la pénurie de carburant perdure en Gosier. Aucune station d'essence n'en dispose malgré l'existence de ce produit au marché noir. À un prix exorbitant, les consommateurs de cet or noir se lamentent. Les stocks d'essence se vident en présence des agents de l'ordre. Le commissaire communal de la police demande à la population de dénoncer tout policier qui serait impliqué dans ce qu'il appelle fraude. Et la plateforme burundaise des blogueurs Yaga reçoit le deuxième prix francophone 2019 de l'innovation dans les médias, décerné chaque année par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières RSF et Radio France Internationale RFI. Le premier prix revient au site internet d'investigation haïtien Enquête Action et le site fondé par des réfugiés et des journalistes français Getty News reçoit le troisième prix. Le prix coup de cœur a été décerné à Mediapi, site pour les sourds et les malentendus. Rappelons que ce 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie et avec 300 millions de francophones dans le monde, le français est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée dans le monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Place maintenant à la chronique éducation, nous parlons de l'enseignement des langues aux enfants. Radio Isanganiro, chronique éducation. La bonne méthode d'apprendre une langue à un enfant à l'école dépend de son âge, comme l'explique le professeur de linguistique Willy Ngendakumana. Il fait remarquer qu'enseigner à un enfant plusieurs langues en même temps sème de la confusion justement de ces langues. Cette chronique éducation est signée Marie-Claire Kazeneza. Les étapes d'apprentissage d'une langue à un enfant varient selon l'âge, comme l'explique Willy Ngendakumana, professeur en langues et littérature à l'université. Selon lui, la connaissance grammaticale pour un enfant commence à bien s'installer au cours de la troisième année. En réalité, soit pour une langue maternelle, soit pour une langue étrangère, le français comme le kirundi, il y a des étapes d'apprentissage d'une langue, d'acquisition d'une langue. Et au cours de la troisième année, la connaissance grammaticale commence à s'installer. Il y a l'apparition des catégories grammaticales de la langue maternelle et quelques structures. Et vers l'âge de 4 ans, c'est là où le langage de l'enfant commence à s'apparenter à celui de l'adulte. Il faut alors attendre que l'enfant atteigne l'âge de 4 ans pour lui apprendre une langue étrangère. Selon le professeur Willy Ngendakumana, c'est à cet âge que les organes phonatoires de l'enfant ont une certaine maturité pour bien prononcer les mots. Pour apprendre une langue, il faudrait attendre 4 ans. Parce qu'à 4 ans, on considère que les organes phonatoires, les organes de la parole, ont déjà une certaine maturité qui permet à l'enfant de bien prononcer les mots, les organes articulatoires. Il y a aussi les organes du cerveau, parce que c'est généralement le cerveau qui commande, c'est la parole. Donc il faut attendre que ces organes aient une certaine maturité pour commencer à prendre une langue sur le plan de l'écrit. Alors sur le plan de l'oral, c'est progressif. Enseigner en même temps plusieurs langues à un enfant est l'un des facteurs qui entrave l'apprentissage d'une langue et cela crée des brouillards dans la tête de l'apprenant. Les facteurs qui peuvent entraver l'apprentissage d'une langue sont les types. Il y a d'abord des facteurs physiologiques. Un enfant qui a un problème au niveau de l'oreille, par exemple, ne pourra pas parler. Un autre facteur, justement, c'est d'enseigner en même temps l'oral, l'écrit, la compréhension de plusieurs langues à la fois. Ça crée une sorte de brouillard dans la tête de l'enfant. Et des fois, avec beaucoup de confusion, les interférences entre les mots, les sons. Et si un enfant a appris convenablement une langue, il peut établir des correspondances entre les sons. Lorsque l'enfant maîtrise une langue, c'est qu'il peut établir des correspondances entre les sons, par exemple. Le professeur Willing Ndakumana demande aux parents de ne pas se précipiter à contraindre les enfants à apprendre plusieurs langues à la fois, mais d'y aller d'une manière graduelle selon leur âge. Et pour les enseignants, il faudrait qu'ils enseignent en utilisant les méthodes, mais également prévoir celles de correction commises par les apprenants. Merci Marie-Claire Kazeneza, merci Willing Ndakumana pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.